Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Salut à tous et bienvenue sur Holiday Mix. Aujourd'hui, je vous ai concocté une session de 60 minutes 100% mellow à base de deep house et de vocaux soulful tout en douceur et en sensualité afin d'agrémenter vos sessions warm-up, vos after-work ou encore afin d'apprécier la splendeur d'un coucher de soleil. DJ Spain, Frankie Knuckles ou encore Laurent Shark ne sont que quelques-uns des producteurs dont vous aurez le plaisir d'entendre les nouveaux titres d'ici quelques minutes. On démarre avec un titre funky et groovy, digne des meilleures productions funk sorties durant les années 80. Ça vient de sortir sur le label Gutter Funk. Voici Sure Thing avec Holding You Tight. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Holding you tight to the music of the night. Let's get it right and get down tonight. Holding you tight, cause the mood it feels so fine. It's what I like, it's you and me tonight. First time I saw you, trying to hold it down, almost like I ignored you. That's further from the truth. And then we were introduced, and we had a drink or two. The music we were dancing to, and it was all so sublime. I know the feeling's mutual. That's when I sense the sign. My God, you are so beautiful. So glad to be right here with you. I know that you believe it too. I'm sure we'll be much more than friends. And do it more than once again. Ven conmigo, permíteme mostrarte el mundo. Monsieur Cortez? I'm We'll be right back. passing. Avec Monsieur Cortez. Monsieur Cortez. Hold me. is happening. When you're in town, just go weak. All I wanna know is electrical. And I never want to leave. Then I'm ready to burn, ready to fall. Like I'm ready to lose it all. Then I'm ready to burn, ready to fall. Like I'm ready to lose it all. Baby, I don't feel love. Monsieur Cortez. Il s'appelle Mustapha et était accompagné sur ce Can't Give Up par Madame Tacita Dimour que l'on a déjà pu entendre sur une quantité infinie de titres soulful, notamment sur Defected Records. Auparavant, vous avez pu entendre Jesse Ware avec Running, Robosonic avec leur remix de The Age de David Axelrod, à savoir le titre qui avait été samplé par Dr. Dre et Snoop Dogg sur leur titre à The Next Episode. Sans oublier encore, on va avoir Clang Carousel avec leur Zone Tanz, ainsi que Hot 82 et leur Knee Deep in Louise. À venir dans l'IDMix, le nouveau Frankie Knuckles, Get Over You, dans quelques minutes, mais tout de suite, voici Laurent Charc qui, après avoir produit et remixé de nombreux titres depuis quelques années, vient enfin de sortir son premier album d'artiste, Into My Life, disponible partout en téléchargement, mais également en CD collector pour ceux que ça intéresse. Voici le titre phare de cet album de Laurent Charc, Get Into My Life. Le remix est signé Stone Willis. Here with me. Somebody, no matter what they say or the way, I can't I'm not afraid to Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Il est sans aucun doute l'un des maîtres en matière de production soulful et gospel house, DJ Spain, accompagné sur ce titre par les Motherfunkers. Oh I. Holiday Mix, c'est presque terminé pour aujourd'hui. On va se quitter avec une touche Latin House et Tribal avec ce Como la Luvia de Cocky Selection. Bye bye à tous et à la semaine prochaine. Una palabra dice nada. Al mismo tiempo lo esconde todo. Igual que el viento que esconde el agua. Como las flores esconde el lodo. Una mirada no dice nada. Y al mismo tiempo lo dice todo. Como la lluvia sobre tu cara. El viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia. Como la lluvia. Como la lluvia. Como la lluvia. Como la lluvia. Dice nada. Como la lluvia. Dice nada. Como la lluvia. Dice nada. Como la lluvia. Dice nada. Como la lluvia, dice nada. Como la lluvia.